contenteuse, parfois marrante, religieuse, dans cette superficie si nombreuse. Comment savoir qui sera la femme idéale, l'attirance, joue ce rôle quand les corps se frôlent. C'est pas drôle, mais qui pourrait croire, je rencontrerai la femme de ma vie. C'est pas mon avis, mais j'avoue que je serai ravi. Ensemble jusqu'à l'infini, finalement lié, jusqu'à ce que la mort vienne nous séparer. C'est comme un coup de foudre, dangereux comme la poudre. Mon pouvoir, on peut pas le dissoudre. L'homme de la situation, un filou qui aime sur les bits filés. Et entre des cuisses se faufiler, quand j'arrive, je vois les faux filets. À gauche, à droite, ça balance de tous les côtés. Elle est si belle, des diamants parés. Donc on me jalouse, j'ai une feu me carré. Je fais des merveilles sur ce rap sensuel, sensation. Je colle la tape comme la sens, il m'appelle. Ton regard est comme ça. Matin, je suis atteint du syndrome, il ne faut pas flancher. 5, 4, 3, chronomètre enclenché. Pas un love à l'autre rose, mais une passion diablée. Elle, elle m'a drogué, chaque jour il faut ma dose avant de pouvoir passer à autre chose. Mais ma vie file, j'aimerais appuyer sur pause. Dans le cas où tu kiffes mon rap, deux ou des envies de grandeur comme César, j'ai les lauriers, plat ton pleureur, régnant sur ton cœur. Je suis pas un beau parleur, je le crie même dans des haut-parleurs. Oui, je te sniffe, tu es mon héroïne. J'aime ton parfum. Ensemble on parle de toutes choses, et même de la féminine cause. Et je te propose une caline pause après ce morceau. Bébé c'est la poutéose. Ton regard est comme ça. Et je viens sonner les sirènes pour ma sirène. Et même sur scène, c'est ce qui m'anime.